Dieu. Quand les bails, la rime qui blesse au max de la violence. Bouc Chroma 92 représente Dieu. Mister OL, CNN, Dieu. La pointe de mon calibre dans ton oreille gauche et j'en salive. Ramène tous tes boucs, je les aligne. Toujours percutant, percutant, toujours percutant, percutant. J'suis hors du commun, dans ce rap rien que je performe. Sans respect, mon son est classé hors norme. Percutant, toujours percutant, toujours percutant, toujours percutant. Ne me demande pas où nous allons, j'ai le silencieux sur le canon. J'suis tellement cru dans mes phases, m'autoproclame salaud. Tu connais le place, ballon. J'fais mes bails à l'ombre, c'est au milieu des traîtres et putnecs que je slalom. Je suis un bonhomme depuis Benny B. Les vrais savent que j'fais les G's et que je vise beaucoup plus loin que vos petits yébis. C'est la crise, les lascars ne savent plus rapper. Les albums sont piratés, vos trous de balles sont dilatés. J'ai vu la terreur dans vos yeux, là mon rap se fâche. Tu te fais dessus comme si j'te braque d'une hache. Vas-y prie pour que j't'épargne. J'suis Maximus l'Espagnol, diff mais la siompe comme une ivoirienne en pagne. Juste un test de chromie, mais les bougons trop. Malon gif Montana Tony, n'est-ce pas mon négro Chroma? Si je m'assois sur le trône, je te promets que c'est juste pour chier dessus. Des années que je foque le rap game et ma queue reste dure. La pointe de mon calibre dans ton oreille gauche et j'en salive. Ramène tous tes boucs, je les aligne. Toujours percutant, percutant, toujours percutant, percutant. J'suis hors du commun, dans ce rap rien que je performe. Sans respect, mon son est classé hors norme. Percutant, toujours percutant, toujours percutant, toujours percutant. Quand je fais mon entrée, augmenter le volume. Je peux pas m'empêcher d'en placer une pour ma commune. La famille c'est sacré, Tesla tu finis plâtré. Je passe pas par quatre chemins, hors du commun je viens tout massacrer. Ma voix comme un uppercut, catégorie qui percute. C'est trop brut, c'est ça le but. Sur une prod qui charcute, c'est parti top chrono. Je peux pas y aller mollo. Je rappe tellement que des fois je m'énerve tout seul comme un alcoolo. Avec attitude comme d'habitude, toujours très haut en altitude. Ça rappe brut, j'suis dans le stud. Rafale de missiles, scud. Avec le mic, j'suis agile. Son fou sorti de l'asile. Ça peut en effrayer des conseillers aux oreilles fragiles. Je rappe sans modération pour toutes les générations. Prévenez la fédération que je viens gérer l'opération. Mérite le grand écran, donc allumez les plasmas. Toujours dans les temps, signé Mister, c'est R-O-M-A. La pointe de mon calibre dans ton oreille gauche et j'en salive. Ramène tous tes boucs, je les aligne. Toujours percutant, percutant, toujours percutant, percutant. J'suis hors du commun, dans ce rap rien que je performe. Sans respect, mon son est classé hors norme. Percutant, toujours percutant, toujours percutant, toujours percutant, percutant, percutant. Easy. Mister c'est R-O-M-A. C'est le ghetto en format audio. Violent sur le piano. Tu vois les Bizer O.L. Gary Demolition Man CNN Châtillon Evry 91-92 pour les Bizer de la département. Ça les Bizer.